J'aime ta franchise enchanteresse, ton bon sens vainqueur des philosophies imposées. J'ai appris, j'apprends encore de toi. Je sais que tes devoirs te réjouissent, que l'essor de ta citadelle préserve encore cet absent. Père de ton autre bonheur, mais ce visage d'enfant annonce aux journalistes que je te rends heureuse comme un beau miraculeux dans les batailles du Kirghizistan et les barrières de tes royaumes. Céderont devant mes paroles, fenêtres ouvertes entre toi et moi, qui entrevoient les chemins vers l'Éden. De ton autre bonheur.